Bon, les patinages de vitesse sur courte piste, Karina Momeni de Péribonka, ben, a bien fait la semaine passée. Elle a terminé au cinquième rang dans une compétition nationale. Question de savoir un peu, j'ai vu sur les médias sociaux que sa mère était très très contente de sa performance. Donc cinquième, c'est quand même très intéressant. On lui parle. Salut Karina. Allô? Karina, cinquième position. C'est une compétition nationale. C'est quand même très intéressant. Donc ça clôt pas mal ta saison. J'imagine que les efforts commencent à rapporter. Oui, ben en fait, c'était presque ma seule compétition nationale cette année. C'est OK. que tous mes efforts étaient pour cette compétition-là. Puis en fait, ça a été le meilleur résultat que j'ai eu en compétition nationale. Fait que oui, je suis très fière de moi, hein, pour Bien, ce c'est au 1000 résultat. mètres que tu as eu ça. Hein? Puis tu as eu une médaille de bronze également au 1000 mètres. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est Oui. ton épreuve de prédilection? Ben en fait, je suis pas comme je suis bonne dans toutes les distances. Ça dépend OK. vraiment des compétitions et comment je me sens. Mais c'est vrai qu'à cette compétition-ci, au 1000 mètres, j'ai réussi à obtenir une médaille de bronze au 1000 mètres. Mais il y a aussi le 500 mètres qui a très bien été. J'ai fini en quatrième position au premier 500 mètres, puis au deuxième 500 mètres, j'ai fini cinquième. Ça Donc ça a été quand va même te très donner bon. quoi? Est-ce que plus tard, ça va te cinquième, je pense que ça peut-tu avoir une invitation au senior? Ouais, ben en fait, pour participer, ben être sur l'équipe nationale, il aurait fallu que je finisse dans les trois premières, OK. mais il y aurait toujours partenaire d'entraînement avec l'équipe NextGen, qui est en fait juste un peu en dessous, mais pour les plus jeunes, c'est juste à 19 ans l'équipe NextGen. Mais pour l'instant, c'est ça, on ne sait pas encore. Ça va dépendre de qui est choisi, puis c'est ça. On va savoir au courant des prochaines semaines, mais pour l'instant, je m'entraîne avec le CRCE, puis ça va super bien. Je me suis OK. entraînée cette année-là. OK. Est-ce que c'était encore une saison de difficultés pour les jeunes? C'est pas facile de garder sa motivation à ce temps-ci avec la COVID puis ainsi de suite. Oui. Est-ce que, comment tu as fait pour garder cette belle motivation-là pareil? Ben en fait, moi, l'arrêt pendant la COVID, ça m'a juste fait du bien. Ah ouais, J'avais OK. pas arrêté depuis. J'avais commencé à 4 ans le patin, puis depuis que j'avais 4 ans, j'ai comme pas beaucoup arrêté. Je m'entraînais autant l'hiver que l'été. Puis c'est ça, avoir une petite pause comme ça m'a fait du bien, penser à autre chose, pratiquer d'autres sports, puis surtout retourner au Saguenay voir mes parents. Ouais. Ça m'a ressourcé un peu, puis c'est pour ça que je suis revenue plus forte que j'étais avant. Comme j'avais plein d'énergie puis plein de motivation Est-ce pour suivre une que part. tu dirais que le fait d'avoir pratiqué d'autres sports, ça a juste confirmé ton choix que c'est le patinage de vitesse que t'aimes le plus? Oui, c'est clair que le patinage de vitesse, ça va être toujours mon sport préféré. Mais c'est ça, j'ai pratiqué un peu le cyclisme de route. OK. Pendant l'été, mais ça aussi, c'est un sport que j'aime bien. Puis sinon, c'est Okay. ça m'a fait découvrir d'autres choses. Là, t'es à quoi? T'es à Québec, je pense, hein, actuellement? Je suis à Montréal. T'es à Montréal. Alors, Est-ce ça que. fait Ouais, est-ce ma que tu. troisième année. OK. Est-ce que tu t'entraînes avec Marianne? Est-ce que tu t'entraînes un petit peu. Est-ce que Marianne est ta Oui, coach, ouais? c'est ça. J'ai trois coachs. J'ai Philippe Clément, Jonathan Perez et Marianne Saint-Cloud. OK. Puis c'est ça, ils m'ont vraiment apporté beaucoup cette année. OK. Est-ce que, sur quoi, Marianne, j'imagine que le fait que tu viens du lac, ça doit aider un petit peu, non? Les deux, ça t'aide-tu un peu? Ben, elle n'a pas de favoris, elle Non, est OK. égale avec tout le monde, mais c'est sûr que c'est plaisant de voir une athlète qui a autant performé être avec moi puis me donner des conseils, OK. là. C'est sûr que c'est toujours plaisant. OK. Donc, Karina, oui, effectivement, la dernière question que je vais te poser, là, normalement, le patinage de vitesse, vous êtes en congé pour recommencer au mois de mai à l'entraînement. Est-ce que ça est les compétitions au mois d'août, normalement? Est-ce que c'est demain que ça va virer ou. Oui, c'est ça, justement. Il va y avoir une compétition au mois d'août qui va faire pour ben, c'est les sélections pour faire les Coupes du Monde. Que je vais essayer d'arriver le plus près possible pour cette compétition-là. Ben, Karina, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo. C'est pas mal le fun encore que des jeunes de la région continuent à à nous bien nous représenter, puis on va continuer à te suivre. Ben, merci. Voilà, Karina Montmagny de Péribonka qui appartient au club de patinage de vitesse sur contre-piste de Debout-Mississinique, qui a fait une belle, un beau résultat, cinquième position la semaine dernière dans une compétition nationale à Montréal. Oups.